山的古包子，拖着长的雨伞的绿豆蛋，souviens-toi tu as dit j'abandonne trop de temps sans vrai printemps ça fait mal en dedans appelle-moi quand tu peux si c'est toi je serai toujours présentça fait couler les yeux trop de temps à voir ces gens tu sais bien tous ceux qui ne comptent pas vraiment trop de temps à tuer le temps ça fait malTrop de temps, ça nous coupe en deux.The time, ça fait couler les yeux.